un point levé bien haut. On sort les tripes pour le tableau. Rock'n'roll in the bell. Un bras qui brasse du trois accords. Pour te chercher au fond du corps. On met le torse pour être plus haut. Les yeux fermés pour mieux me barrer. Le cœur parle de ses pulsions, le cerveau parle de ses problèmes. Une voix en fait toute une histoire. Porter le monde sur les épaules. J'en ai plein de frissons dans le dos. Les jambes tremblent. Rock électranatomie. J'emmerde le front, j'emmerde aussi les cons. Le ventre chargé d'air, la tête tape le 140 au rythme des à-coups du coude. La gorge est mal sans émotion.